La promo pour de nos jours. Ok, écoute ce son qui pète le contour. Ok, tu veux que je te fasse, tu veux que je te fasse du carnage, tout déblayer, ça va faire du ménage. Fais tourner ce morceau, car c'est ma promo. Ok. Tu peux me trouver dans la Normandie. Ou au pire, dans les pires, tout au pire, je m'inspire. Si peu qui reste, expire. Car dur de faire des prouesses, on sait saler. Alors t'as tout à ravaler. T'es pas allé, mon subconscient. Pour voir si t'es conscient. Beaucoup achètent, mais t'es peu pige d'essence. Ça s'appelle de la conscience. Puis ça s'espère pour passer à l'innocence. T'es dans le tarco, va voter Vla Sarko. Voilà ce qui fait mal dans la bouche à Sarko. T'as voulu nous mener en bateau, moi je sors les couteaux. Sors à son ghetto, à son braquage qui braille. Car c'est ce que tu voulais, qu'on puisse hurler. Avec ce carnage, actualité sondage. T'es peut-être de un qui s'engage. Ne crois pas créer un passage. Qu'est-ce que tu fais à vouloir faire ta politique? C'est très bien chez nous, ça marche pas être poétique. Et puis vite ton fusil, tu feras plutôt dans fantastique. Pourquoi tu caches ta femme, car tu sais faire le drame. Ok. Fais tourner ce morceau. Car c'est ma promo. Que Dieu. Un 4C. Tiens à te mettre bien. C'est pour les gens, mon coin. On a le vocal forgé par la marijuana. La bite est montée par Christina Aguilera. On a le seum car on veut tuer El Pokora. On veut les thunes de Vira. Qui vivra verra. Moi je veux et on se taira. Tu veux du lourd, fais pas des tours. On a la pompe de contour. On a plus ou moins été à la bourre. Mais l'essentiel c'est qu'on puisse vous régaler. Écoute ce son, c'est du coupé décalé. On va s'amuser les gars. Car je suis fire. Fais tourner ce morceau. Car c'est ma promo. Je l'ai dit frérot. J'ai du son disco à la Cisco. Je prends les riches jusqu'au bout. J'ai l'humeur boue qui se boue pour ta bouche. J'ai boulé de boule, pas tout, rap tout. M'amuse surtout, je veux passer partout. Mon premier album est début à tout. Veux pas le Pérou, je m'en balaye le cou. J'suis là pour faire danser la foule, faire bouger les boules. Que les mecs fument entre couilles, que les meufs bouillent quand je déboule. Ça c'est sûr qu'ils doivent péter dans le casque. Ok, je représente mon 1-4-C. C'est même le plaquet, j'suis au taquet. Déchiré au saqué, j'ai marqué le coup. Mais si je vois flou, mon fou est là pour faire bouger ton boule. Pas mauvais imprévu qui déboule. Écoute, on est là sans se prendre la tête. On va prendre la côte ouest, mais on sait faire la fête. Alors accepte, bouge sur mon concept. J'vois que t'es pas la tête de ma variette. Pas de vedette, on est bien d'accord. Personne veut de la jet set. Sinon jette dans sur mon sgeg. Allons passons autre chose. Tu veux que je te secoue, mais t'es pas en osmose. J'te libère ma cause, témoin à la fousse. Écoute ce son qui tape à la rescousse. Et faut que tout le monde se pousse. Digui. Et j'peux pas être partout, mais après tout, y'a un début à tout. Ça dit quelque chose, c'est un album qui connaît pas les disques d'or. Qui juste ses titres raconte comme tout le monde dehors. Oh, te fais du mal en temps, va ton temps qu'on va. Voilà. Fais tourner ce morceau. T'as fait ma promo. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Le système de classe comme des papiers. Cette feuille de papier et speed sont bien train de palper. Imagine si on se mettait plus à voter. Point se va côté, qui sera les boycottés. Chacun d'eux devrait être menotté. Qui sont les bons et les mauvais. Cette question a été trop fort posée. Sachant qu'on l'avait trouvé. Rappelons à ce jour, c'est pour être une meilleure score. Sarko nous voit comme des vautours. De nos jours, tout est par l'eau. Comprends, je peux pas dire que je m'emballais. Ça va, tu perds mon temps à sac nazi. Les autres ministres sont vrais, mais trop décalés. Et on risque de se faire recaler. Les élections me font de plus en plus peur. C'est car des lecteurs, va-t-elle nous mettre dans la paire ou nous sauver, trop de choses à prouver. Je ressens comme une nostalgie, mais encore de ce pays qui nous classifie. Tout ça est si vrai, qu'on se demande qui est le plus givré. Eh, ma promo est bientôt terminée là. Donc on va donner ça. Ok, là, c'est mon style. Mon style il est basique, il marche au shit. Faut dire qu'il n'est pas très intrépide. Il aime ma marche, pas de plus ni taxi. Mais par contre une belle cova et un pull à comédie. Mon style est là pour représenter ma ville, ma famille, Serge, Martine et Magali. Mon style n'est pas là pour les bambinos. Au passage j'en place une pour mon fils Hugo. Mon style est fait pour mettre à fond ton caisson. Quand je représente ma section, c'est dur à négocier. Mon style, tout le monde voudrait la battre au fusil. Ah, tout dans la rime. Avant de partir, je vous livre un zik. Ouais, casse-toi, ta salope. Hein. Contente-toi. Hein. Casse-toi. Ah putain, va me saouler longtemps, hein. Regarde ça. Vas-y, arrête. Tu peux pas me l'enlever là d'instru là. Merci. Avant de partir sur ce tige complète le king, que ce son soit sur tes patines. Car cet instru vient des rouvilles. Pas vous, devrait être dans les égouts de ma ville. J'avance comme un samaritain en Samarie, mais sans baratin. Rien ne passe dans mes narines. Entends plusieurs mes sauces me proposent. Est-ce que tu tapines? Non, ne prends pas mal, mais quand je vois, j'imagine un tas de bordel. Mets ta thune de côté, c'est penser peut-être mis à la poubelle. Et toucher, c'est comme perdre la prunelle de mes yeux. Moi je marche avec le shit en mini. Un casque pour la zik, voilà mes statistiques. Un mec basique, classique, qui cherchait d'écouter. Genre la Normandie, on connaît le hackard, la violence de Paris. La police se contrarie, pourtant c'est pas chez nous qu'on a plus besoin. Mais elle veut mettre des feux aux petits soins. Les jeunes mis dans un coin. Les jeunes mis dans un coin. Ok, c'est fini. J'espère que t'as apprécié, Diggy.